Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Le vendredi 8 de ce mois, le mois de Rabi' al-Thani, de l'an 1438, après la prière du vendredi, le noble cheikh Mohammed Abdullah ibn Abdelrahim al-Bukhari a répondu à plusieurs questions qui lui ont été posées. Parmi les questions qui lui ont été posées, la suivante, que je vais essayer ici donc de résumer, et que le cheikh lui-même a lu de manière résumée. Beaucoup de médias français propagent un certain nombre d'informations fausses et mensongères à propos de la salafia. Ils confondent volontairement par ignorance la salafia au groupe terroriste et djihadistes en ayant recours à des procédés frauduleux. C'est pour cela que nous souhaitons revenir à nos ulama salafi afin qu'ils établissent la distinction pour nous et pour autrui entre le vrai et le faux et afin de réfuter les 10 mensonges. Et donc le cheikh a dit qu'après ce préambule, le questionneur a dit que la majeure partie des chercheurs classifient la salafia en 3 catégories. Premièrement, la salafia quiétiste, prédicative, cheikhiste et littéraliste. Ils visent par là ceux qui se désintéressent de la vie de ce bas monde, de la politique du combat et du djihad. Deuxièmement, la salafia politique, réformatrice et activiste, visant par là celle qui accorde de l'importance à la démocratie, aux différents partis politiques, aux élections et à la participation dans les parlements sous prétexte d'établir la charia. Troisièmement, la salafia djihadiste, révolutionnaire, visant par là les groupes takfiristes, terroristes, empruntant la voie des Kharidites, visant par là des groupes tels que Daesh, Al-Qaïda et d'autres parmi les groupes en question. Quelle est donc la réponse à apporter à cette catégorisation-là? En réponse, donc, le cheikh a dit, et j'insiste sur le point qu'ici je vais tenter de résumer sa réponse. Premièrement, donc, le cheikh a dit que la réponse a en réalité été apportée par le questionneur. Étant donné qu'il a dit, beaucoup de médias français propagent ces dernières années beaucoup d'informations fausses et mensongères à propos de la salafia. Donc cette classification-là, cette catégorisation-là est fausse, nulle et non avenue. La salafia ne contient pas de sous-catégorie. La salafia, c'est la religion d'Allah, véritable. Et ses suiveurs sont appelés les adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité. Ils constituent la faction secourue, le groupe sauvé. Ils sont les adeptes fidèles du hadith et du athar. Et ils cheminent sur la voie sur laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cheminé, de même que ses compagnons et ceux qui les ont suivis. La salafia ne reconnaît pas ces différentes classifications-là, sachant que ces classifications-là sont le résultat de la concordance du discours des différents ennemis de la religion. Parmi ceux qui se déclarent ouvertement comme étant étrangers à cette religion, mais également ceux qui se réclament de cette religion. On peut leur poser la question d'où leur viennent ces classifications-là et ces présentations-là de la salafia. Avez-vous entendu un seul parmi les gens de savoir en faire mention? En réalité, ces propos-là sont inventés par certains et répétés par d'autres, et le but est unique, à savoir le fait de salir ce nom, cette appellation-là et ce qualificatif. Puis le cheikh veut dire que Cela me rappelle un article qu'avait écrit notre cheikh, le cheikh Mohammed Aman, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Suite aux événements qui se sont déroulés à la mosquée sacrée de la Mecque en l'an 1400 de l'Hégire, au début de ce siècle hégirien. Événements provoqués par les agissements de Juhayman et de ses suiveurs. Le cheikh avait écrit un article, il était rédacteur en chef du magazine de l'université islamique, et suite à la libération de la mosquée sacrée, après que Juhayman et ses suiveurs les prirent en otage durant 25 jours, empêchant toute personne de circumambuler autour de la maison sacrée, tuant et blessant bon nombre de personnes, le cheikh Mohammed Aman avait donc annoncé la bonne nouvelle aux musulmans de manière générale et aux lecteurs, donc de manière plus spécifique, la bonne nouvelle donc de la libération de la mosquée sacrée. Et en parlant de Juhayman et de ses disciples et suiveurs, il avait dit qu'il lui était parvenu que ces gens-là se réclamaient d'être salafis, se prétendaient salafis. Et il avait dit que nous sommes les concernants face à deux possibilités. Soit le fait qu'ils ne connaissent rien à la salafie, soit le fait qu'ils cherchent par ruse à se faire passer pour des salafis afin de salir son image, et qu'en réalité ce ne sont pas des salafis, mais plutôt des gens qui cherchent à se faire passer pour des salafis. Puis le cheikh Abdullah de dire, et nous disons également que tous ceux qui prétendent être salafis, mais ne suivent pas la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni la voie des compagnons de ce dernier alayhi salatu wa sallam, ni la voie des imams de la religion, ne font que se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir des salafis, et qu'en réalité, ils ne sont que des partisans du faux. Sachant que ce sont les paroles et actes qui témoignent de la véracité de l'individu ou de son mensonge, fait qu'il ment. Et c'est donc cela qui doit être pris en considération, c'est là le critère qui doit être pris en considération. Puis le cheikh de dire, qu'entendez-vous de tous ces médias? Et qu'attendez-vous qu'ils fassent? Ne savez-vous pas qui c'est qui dirige ces médias-là? Pensez-vous que s'ils prennent connaissance du fait que ces classifications-là ont été démontées, pensez-vous qu'ils vont se faire le relais de nos paroles et des paroles de nos ulama et cheikhs qui ont démonté ces classifications-là avant nous? Vont-ils admettre? Non, car ils savent ce qui relève précisément de la salafie. Alors qu'à côté de cela, si on prend en considération les Rafidites Mazdéens, ou les différents groupes terroristes, extrémistes, on peut se rendre compte que les reproches qu'ils leur adressent sont moindres. Bien que les crimes et exactions de tous ces groupes-là soient nombreux, les voyez-vous concrètement prendre les mesures nécessaires, à titre d'exemple, afin de contrer les Rafidites Mazdéens qui sèment la corruption sur terre et qui tuent et terrorisent et massacrent de nombreux adeptes de la Sunna dans divers pays? Donc, il est impératif de savoir que ces gens-là ne nous importent pas et qu'ils n'ont aucune valeur à mon yeux. Et si jamais nous tenons ces propos-là et que nous répondons à ces allégations, c'est uniquement afin d'affermir les adeptes de la Sunna et du groupe Unis sur la vérité, afin qu'ils ne prêtent pas l'oreille à ce genre de discours. À titre d'exemple, ils disent d'un des leaders connus des groupes terroristes contemporains que c'était un salafi. Le chir veut dire que cette personne-là, qu'il a cité donc, n'a jamais été salafi, ne serait-ce qu'un jour de son existence. Il fut le chef de file de l'idéologie du takfir, de l'anathématisation abusive. Il n'était pas salafi. Malgré cela, on trouve que les médias prétendent que la voie qu'il suivait aurait comme origine la voie salafi qu'il aurait suivie au préalable, alors qu'il n'a jamais été salafi. Il a grandi dans les rangs des soufis, puis il s'est rallié aux fréristes, les Ikhwan, disciples d'Al-Banna. Sachant que la ligne directrice des disciples d'Al-Banna et de Qutb est unique, la différence résidant dans le fait que l'état d'esprit des disciples d'Al-Banna penche plutôt vers la complaisance et la prévenance abusive, alors que l'état d'esprit des disciples de Qutb est plutôt révolutionnaire et sanguinaire. Mais toutes sont issues du dessous de la même tunique, à savoir le groupe mère, celui des Ikhwan, Ikhwan al-Muslimoun, le groupe des frères musulmans, qui est donc le groupe mère, duquel est issu l'ensemble de ces groupes et groupuscules terroristes contemporains. Le chir veut dire, j'ai d'ailleurs écrit cela dans la réplique que j'ai adressée à Abul Fitan al-Ma'ridi, comme vous le trouvez dans Al-Fath al-Rabbani, à savoir le fait que le chef de file, leader en question qu'il a cité précédemment, qu'il avait cité précédemment, n'avait jamais été salafi. Donc le chir de continue en disant, nous n'avons rien à cacher. La propagande de ces différents médias, ou plutôt, excusez-moi, de ces différents groupes, a un temps pris de l'ampleur en Algérie. Et ils ont été appelés la prédication salafi, ou plutôt le groupe salafi pour la prédication et le combat. D'autres kharidites se sont dressés dans d'autres pays islamiques, tels que le Koweït, et ils se sont appelés la salafia scientifique, ou je ne sais trop quelle appellation. Et c'est là le procédé de l'annexion qui est un procédé qui est connu. Quand tu veux faire qu'elle soit acceptée des gens, tu lui ajoutes, tu l'annexes à un procédé qui est, ou un principe qui est louable. Et c'est ainsi qu'on peut trouver à notre époque que certaines personnes, pour parler des pièces de théâtre, ou des chansons, ils vont ajouter le terme islamique, et ils vont dire donc des représentations théâtrales islamiques, ou des chants et vidéos islamiques. Et ils peuvent même en arriver à parler de télévision islamique, ou de danse islamique. Tout ça pour enjoliver la chose. Chaque fois islamique. Naam. Et il en est de même concernant le terme salafi. On en est arrivé à un point où toute calamité et aberration, afin de la faire passer, on dit qu'elle est salafi. Et c'est ainsi que la salafie essuie toutes ses reproches et toutes ses accusations. Lorsque l'imam, le cheikh de l'islam, Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, décéda, des dizaines, voire des centaines de milliers d'étudiants sont venus afin d'assister à son enterrement et afin de suivre son cortège funéraire. Et après sa mort, il s'est passé ce qui s'est passé comme triste événement le 11 septembre. Et il est un personnage connu dans un pays occidental donné qui a pris la parole en se prononçant à ce sujet et qui était en train de parler des causes ayant mené justement à ces douloureux événements. Et il a renvoyé les causes de cela aux idéologies terroristes et violentes provoquées par ce genre de personnes. Et à ce moment-là, ils ont montré donc une photo ou une vidéo du cortège funéraire du Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, afin de faire croire aux gens que c'était dû donc au discours de ce noble Cheikh. Alors qu'il était à attendre de ce genre de personne, à savoir cette personne qui avait pris la parole, étant donné que c'est une personne qui, à un certain point, qui était censée avoir une certaine objectivité, il était à attendre de cette personne-là qu'elle prononce des paroles plus justes, na'am, qui tendraient vers le fait de calmer l'atmosphère. Mais malgré tout, ce sont les émotions et la malhonnêteté qui ont pris le dessus. Le cheikh de l'islam et des musulmans à cette époque, le cheikh Ibn Baz, a-t-il tenu de tels propos? Jamais. D'ailleurs, les livres et cours enregistrés du cheikh sont accessibles. De même concernant les autres ulama tels que le cheikh Ibn al-Uthaymin et d'autres. Mais en réalité, ces gens-là nourrissent une haine viscérale à l'encontre des musulmans. Et ces gens-là ne t'agréeront jamais. Donc soyez apaisés et ne vous souciez pas de ces gens-là. Et en réalité, ce genre de questions nous ouvre d'autres portes. Dans certains pays, on déplore que de nombreux crimes et attentats soient perpétrés par les Khawarij. D'emblée, des questions nous viennent. Que devons-nous faire? Devons-nous publier un communiqué? Devons-nous écrire quelque chose? Le cheikh de dire, sommes-nous tenus à chaque fois qu'un événement se produit d'écrire quelque chose ou d'enregistrer quelque chose afin de répondre aux accusations? Jusqu'à quand? Chaque événement doit être considéré à part et on doit évaluer chaque événement selon la mesure qui lui correspond. Donc ne te précipite pas à chaque fois qu'il y a un événement à chercher à tout prix à réagir, et si effectivement donc des accusations sont portées sur toi ou sur les salafis, alors à ce moment-là on évolue la chose à sa juste valeur. Notre doctrine est claire et elle est unique, que ce soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, et elle ne change pas à propos de l'interdiction formelle de ce genre d'acte criminel. Voilà donc en résumé une tentative de restitution du sens des propos tenus par le cheikh en réponse à cette question importante. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.